Grosse semaine pour les Saguenay de Chicoutimi avec quatre matchs en fin de semaine. Pas en fin de semaine, mais cette semaine, tout est partout. Et on en parle avec notre collaborateur des Saguenay de Chicoutimi, Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut. Sébastien, d'abord, on va y aller avec d'abord ces quatre matchs-là. Ça a commencé mardi passé. Oui, exactement, avec un petit match ici du côté du Centre Georges Vézina. Les Sags ont eu une grosse semaine. Ça a été en cinq ou six soirs. En tout cas, ça a été un gros programme pour les hommes de Yannick Jean durant la dernière semaine. Je suis content qu'on ait compilé un dossier, je dirais, de deux victoires et deux défaites dans ces matchs-là. Hier, quand même, contre le Drakkar de Bécomo, qui avait connu une grosse fin de semaine, avec l'emportant la veille contre les Moussettes d'Halifax, qui ici nous avait battus par la marque de 4-1. Ça démontre à quel point la Ligue peut être équilibrée. Puis soir après soir, c'est des matchs qui sont de plus en plus difficiles. Mais les Sags de cette semaine, peut-être que la fatigue mentale là, ont peut-être joué un peu contre les jeunes Saguenayens. Ça, ben, ça va être à gérer pour ce qui est des Sags là, au cours des prochains mois. Parce que même la prochaine semaine et l'autre semaine, juste avant le congé des fêtes, là, ça commence à se compliquer, je dirais, pour ben, en fait le calendrier qui est très chargé. Je dirais pour les Sags. La victoire contre les Olympiques de Gatineau, ça a été arraché en prolongation. À Victoriaville aussi en prolongation. Puis les matchs de la fin de semaine précédente aussi, ça s'était terminé très tard, ces rencontres-là. Tu laisses beaucoup d'énergie, tu dépenses de l'émotion. Ça reste des individus de 16 à 20 ans. Puis des fois, c'est plus difficile d'autres soirs. Ça a été le cas dans le match de vendredi ici au Centre Georges Vézina. C'est pas qu'ils ont pas travaillé, mais ils ont peut-être mal travaillé, essayé de trop en faire pour revenir dans le match, sortir un peu du système qui fonctionne si bien, qui a permis aux Sags de ne perdre qu'un seul match en temps réglementaire dans le mois de novembre. Donc, c'est de reprendre un peu ces bases-là puis les transposer au mois de décembre. Puis, à part en première période hier contre le Drakkar, ça s'est plutôt bien passé en deuxième et en troisième. Donc, les Sags continuent de progresser à quelque part, mais il va falloir reprendre du poil de la bête si on veut remonter au classement, parce que c'est quand même assez serré dans le classement de la LHJMQ présentement. J'en parlais de la parité. C'est impressionnant cette année, il y a combien de clubs qui sont proches. Puis tu sais, les Remparts de Québec sont quand même premiers. C'est la surprise. Si on reste là et là, ben écoute, c'est très surprenant. Il y a personne qui s'attendait à ça comme début de saison. Je sais pas à quel point ça peut faire penser que certains vont changer les plans du côté de Québec. Ils ont des bons jeunes. Je pense pas qu'ils soient équipés encore pour aller danser jusqu'à la fin de la soirée. Non, non. Mais ils ont un très bon club jeune, une bonne base pour le futur. Il va falloir voir la situation Callum Booth qui sera en grande demande à la période des transactions. Il y a plusieurs équipes de pointe qui manquent un gardien de but, là, Shawinigan, Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, Charlottetown avec le retour de Daniel Sprong et des gardiens qui accordent 6 et 7 buts par match à peu près depuis le début de la saison. Il va falloir penser à un gardien de ce côté-là aussi, peut-être payer le prix. Donc, je pense que Callum Booth va quitter du côté de Québec, mais félicitations aux Remparts qui ont un très bon début de saison. Et tu parles de joueurs qui pourraient quitter, des gardiens de but qui pourraient être en demande. Ça veut-tu dire qu'un de nos deux gardiens de but pourrait être échangé? Écoute, ça, faudrait poser la question à Yannick Jean. Celui le sait. Ça peut toujours arriver, mais on a un très bon duo de gardiens de but. Billy a été blessé souvent depuis le début de sa carrière. Puis Potvin prend bien la relève de Billy quand il s'absente pendant une longue période. Je sais pas, peut-être que Yannick Jean va être tenté de conserver le statu quo avec ses deux gardiens. Ça, il va falloir lui poser la question à lui. T'es-tu surpris, Sébastien, que Calvin Booth n'a pas été... Un peu, mais bon, Hockey Canada, c'est complexe. C'est souvent, parfois, je dirais pas politique, mais il y a un organigramme. Pour percer un alignement, faut que tu fasses partie du programme depuis très longtemps. Tu sais, Frédéric Allard a été exclu des programmes des moins de 17 ans. À partir de ce moment-là, ça devenait très complexe pour lui de faire équipe Canada Junior au moins de 20 ans. Nicolas Roy, lui, bon, a fait partie un peu plus longtemps du programme des moins de 17, de 18 et tout ça. Donc, lui est plus proche d'une place avec Hockey Canada. Callum Booth a joué un peu dans les moins 17, mais après ça, ça s'est un peu compliqué à cause, peut-être, je dirais, des bonnes saisons des Remparts qui l'ont amené en séries éliminatoires un peu plus longtemps, puis ça l'a fait manquer quelques rencontres internationales, puis ça l'a peut-être nuit, je dirais, dans sa visibilité auprès d'Hockey Canada, alors que d'autres gardiens ont eu plus de chances de ce côté-là. Puis, on verra si Hockey Canada va avoir pris la bonne décision, mais s'ils ont éviter Callum Booth, ça veut dire qu'ils auront un très, très bon duo de gardien de but pour ce qui est du championnat mondial. Au fait, c'est comme s'ils ne prennent pas Nicolas Roy, ça va vouloir dire qu'ils vont avoir une très, très grosse et très excellente ligne de premier centre et ils devront justifier de la non-venue Nicolas Roy. Mais moi, je pense que c'est un no-brainer. Là, Nicolas va faire partie de cette équipe. Il peut tout faire sur la patinoire. C'est le meilleur joueur aux quatre points cardinaux, je dirais, là, est-ouest, là, sud-nord. Il patine de tous les côtés. Il est physique. Il est bon aux mises en jeu. C'est une denrée rare, là, présentement, à son âge. Un joueur complet comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Non. Et capable de jouer dans des missions ultra-défensives et qui se plaît là-dedans aussi. Puis ça lui dérange pas de jouer ce rôle-là non plus, Nicolas Roy. Donc, je pense que Hockey Canada va avoir un grand joueur de centre. Puis nous, bon, on va triper à le suivre à Montréal et à Québec. Là. Puis j'invite tout le monde, d'ailleurs, à essayer de se procurer des tickets. On va être à Boisbriand. On va être à Gatineau la veille de la médaille d'or et à Boisbriand le lendemain de la finale de la médaille d'or. Ça se pourrait que je fasse un petit croche par le Centre Bell pour aller essayer de voir un des deux matchs au moins de la médaille de bronze, de la médaille d'or. Si Hockey Canada, si le Team Canada, mais même s'ils ne sont pas là, juste pour voir les meilleurs joueurs de hockey junior au monde, ça doit être tout un spectacle. Il y a un Mitchum qui s'est procuré des billets, 195$. Ils ont baissé un peu les billets. Ils s'étaient fait reprocher par il y a 2 ans que c'était trop cher. On vendait du prix junior au prix de la Ligue nationale, donc une petite baisse. Ouais. Ça va peut-être avoir un impact sur les billets, quoi. Ben, tu sais, le fait qu'au dernier championnat, la médaille d'or se disputait du côté de Toronto, ça a peut-être baissé le nombre de billets vendus globalement du côté de Montréal, parce que les gens de la ronde des médailles, la ronde préliminaire, ça les intéresse peut-être moins, mais je pense que l'amateur de hockey, même l'amateur du Canadien, va être intéressé d'aller voir la finale de la médaille de bronze, la finale de la médaille d'or, avec des futurs super vedettes de la Ligue nationale qui vont évoluer sous leurs yeux. Puis bon, ben, à Montréal, il y a quand même beaucoup d'argent, là. Il y a des gens qui ont beaucoup de fonds, qui restent dans quelques tours autour du Centre Bell maintenant, qui ont amplement les moyens de fouler le Centre Bell, puis ça va peut-être se vendre à la dernière minute, mais je suis pas inquiète qu'ils vont avoir de très, très bonnes foules cette année en ayant les finales de la médaille d'or et la médaille de bronze du côté de Montréal. J'ai parlé à Nicolas Roy cette semaine, ben c'est toi qui m'as aidé. J'ai parlé aussi à Dominique Ducharme cette semaine aussi. Ça surprenait que Nicolas Roy ne fait pas l'équipe, hein, parce qu'un gros bonhomme de main capable de jouer des deux sens, excellent des mises au jeu, dans ce genre de compétition-là, c'est toujours intéressant. C'est toujours... Pas juste ça. Nicolas Roy, c'est la discipline incarnée hors et sur la patinoire. C'est rare qu'il prenne une mauvaise pénalité, Nicolas. Il prend jamais de mauvaises décisions et sur la patinoire et hors de la glace. C'est un gars que tu vas dire, tu vas te coucher à 10h, il va se coucher à 10h moins quart. Il joue le lendemain, il veut pas manger mal parce qu'il est, puis même 2 jours à l'avance. T'sais, c'est un gars qui est professionnel du début jusqu'à la fin. Honnêtement, comme je te dis, si Team Canada le prend pas, soit qu'il aura été blessé ou il aura connu un très mauvais camp d'entraînement, mais je pense que sa place est déjà acquise là, dans le cas de Nicolas Roy. C'est un gros bonhomme. Il va être une denrée rare contre les gros Suédois qui sont encore peut-être les favoris pour cette année. Beaucoup de joueurs qui sont de retour de l'an passé, même s'il y en a plusieurs qui ont gradué, mais qui vont être de retour pour cette année. Puis c'est des gros bonhommes, là, puis bon, ben, un bon joueur de centre comme Nicolas Roy va être vraiment de fier service, je pense, aux hommes de Dominique Ducharme. Puis on pourrait avoir une belle représentation de la JMQ, entre autres du côté de la défensive. Ça, on verra, parce qu'il n'a pas connu des très bons matchs du côté de la série Canada aussi. Est-ce que ça va lui nuire pour sa progression? Puis, tu sais, le petit Gérard, ben, il est petit justement aussi, puis peut-être que ça va être comptabilisé par les gens de Hockey Canada, mais il est tellement bon. S'il connaît un bon camp d'entraînement, je pense que peut-être pour au moins des missions spéciales en avantage numérique, qui est quand même important dans un court tournoi comme ça, où les unités spéciales doivent fonctionner à plein régime, ben c'est le meilleur peut-être défenseur ou le meilleur joueur de pointe de la planète à son âge présentement, Sam Girard. Donc ça pourrait être une très très bonne utilité, même dans un rôle spécialisé, d'amener Girard avec Hockey Canada, avec Team Canada au fait. Puis, il est en lutte avec Victor Mété. Victor Mété, qui est le choix du Canadien. Mété, c'est le Samuel Girard de l'Ontario. Il appartient au Canadien en passant. Donc, c'est carrément une lutte. Ça pourrait être un genre de Ryan Ellis il y a quelques années, à peu près. C'est sensiblement le même style. Exactement. Des petits bonhommes qui bougent la rondelle et qui se déplacent à vitesse grand V sur la patinoire. Le hockey est devenu un sport très, très, très rapide. Puis des fois, ça sert de savoir patiner sur une glace de hockey. On le voit dans le junior. Ceux qui ont un bon coup de patin se démarquent des autres, puis on le voit tout de suite. OK. Donc, cette semaine, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Cette semaine, c'est quand même une grosse semaine. Mercredi, on reçoit le Phoenix de Sherbrooke au Centre Georges Vézina à 19h30. Et on a un programme double contre les Voltigeurs de Drummondville vendredi et samedi. On avait demandé un aménagement au calendrier puis rendre un service du côté des Voltigeurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a un 2-en-2 là, contre les Voltigeurs vendredi et samedi au Centre Georges Vézina à 19h30 vendredi, 16h. Du côté du match de samedi. Puis bon, ben, on espère voir le jeune Olivier Rodrigue peut-être pour une, sinon les deux rencontres en fin de semaine au Centre Georges Vézina. Il est très bon depuis le début de la saison. Peut-être une baisse de régime dans les derniers temps, mais c'est peut-être l'équipe en avant de lui aussi, les Watchers, qui ont connu une petite baisse de régime aussi dans les derniers matchs. Mais pour ce qu'il fait à son âge, c'est presque grandiose. Et lui sera avec Équipe Canada des moins de 20 ans si ça progresse comme ça, peut-être dans 2 ans, même à 18 ans, pour être un des gardiens de but avec les moins de 20 ans. Assurément, avec l'équipe des moins de 18 ans, à la fin de la saison, si les Voltigeurs sont éliminés après la première ronde, ou même s'ils font, je pense qu'ils vont faire les séries éliminatoires, mais du moins s'ils sont éliminés après la première ronde des séries, ils pourraient rendre de fiers services là, et monter dans l'organigramme là, du championnat mondial junior par la suite. Sébastien, on se parle mardi prochain, parce que lundi, je vais être de retour de Philadelphie. Je vais à Philadelphie en fin de semaine. Je vais voir les Eagles. Chanceux. Et les Flyers. Oui. Les Eagles et les Flyers. Fait que on se reparle mardi prochain. Bon voyage, mon homme. Sébastien Morin, descripteur des matchs des Saints.